Dou, du. Nu, nu. Boule, bulle. Égout, aigu. Out, ut. Pou, pu. Mou, mu. Sourd, sûr. Rousse, ruse. Moule, mule. Dessous, dessus. Pour, pur. Pousse, puce. Tout, tu. Sous, su.